S comme soumission. Voulez-vous être heureux? Obéissez à Dieu, à vos parents et à vos maîtres. T comme Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. C'est le grand mystère de la foi. Jésus servant Marie. À Nazareth, Jésus aimait à servir Marie, sa sainte mère. Il présentait ses bras et se tenait debout devant elle pour qu'elle dévidât son fil. Notre vie sur la terre est comme un écheveau embrouillé. Nous ignorons notre avenir. Présentons cet écheveau à Marie, notre mère, pour qu'elle le démêle avec nous. Elle nous préparera une existence heureuse si nous la servons fidèlement et si nous mettons en elle notre confiance.